Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un gars avec une main coincée dans la mimique? Oui, bah. Ça peut arriver même au meilleur, hein, je suis désolé. Salut, messieurs, madame, personne non binaire. On se retrouve bien posé là, tu vois, décontracte, avec un petit chat. Pour parler de background de personnage. En fait, bah, comment écrire un bon background de personnage? Je te pose la question et en même temps je vais y répondre. Parce que comme je suis tout seul et que peut-être que personne ne me regarde. En fait, on va s'intéresser, si tu veux, à une école un petit peu littéraire du jeu de rôle, celle où on va écrire un background de personnage qui peut aller de quelques lignes, pour certaines, 50 pages avec des photos, des dossiers, enfin, des cartes, des accessoires, enfin, truc de fou, quoi. Donc, voilà, 50 pages, ça existe vraiment, au moins dans ce qu'on appelle les gènes romanesques. On peut trouver des backgrounds de personnages à 50 pages. Des fois, c'est même écrit par les orgas, genre. Le gars, il a 10 personnes à faire jouer, il écrit 50 pages de BG pour tout le monde. Voilà, Orgamazo. Alors, mais bon, voilà, en général, c'est quelque chose que tu vas écrire à l'avance, avant de commencer ta campagne, hein, ou ta partie, tu vas écrire ton background de personnage. Mes conseils, ils sont valables pour les persos écrits par les joueuses, mais aussi pour les persos écrits par MJ. En fait, si tu joues un personnage, déjà, si tu joues un personnage bresson, bah en fait, pense à mettre des trigger warnings au début de ton BG. Bon, voilà, on sait, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Moi, je te conseille, si tu veux, de faire la création technique avant de faire le background, pour éviter des incohérences, tu vois, genre ton personnage, il était censé avoir. Savoir faire plein de trucs, et puis bon, quand tu fais la création de technique, tu te rends compte qu'il va pas pouvoir être bon partout, quoi. Donc il va falloir faire des choix. Vaut mieux le savoir avant d'écrire le background du personnage, quoi. Ou alors sinon, bah, tu prévois une possibilité de modifier ton background une fois que tu as fait la création technique. Mais c'est un peu plus fastidieux. Un personnage. Pour moi, c'est quelque chose que tu peux construire comme un univers, quoi. Donc, il va y avoir un côté géographique, c'est d'où il vient, où il habite. Il va y avoir un côté cosmogonique, enfin, c'est quelle est son histoire, tout simplement. Il va y avoir ses valeurs, quelles sont les valeurs du personnage. Et en fait, c'est trop, c'est-à-dire quel est le genre d'aventure que le personnage est souvent amené à vivre. Alors tu peux déjà le laisser entendre par son histoire, mais tu peux aussi dire, bon voilà, il se met toujours dans les ennuis, surtout toujours à sauter de toi en toi, mon personnage est toujours dans des intrigues amoureuses, rocambolesques, bon, ce genre de choses, quoi. Hein. Bien sûr, moi je pense que c'est important que tu penses à lui donner un défaut, même indépendamment de la création technique, hein, parce que voilà, les personnages qui ont des aspérités, je pense enfin, c'est assez communément admis qu'ils sont plus intéressants. On va pas bien ce cochon là avec Voilà. Et également, c'est comment? Moi, je peux te dire que tu peux créer aussi ton personnage un peu. J'ai une méthode qui s'appelle Échevelle pour créer des PNJ profonds, mais tu peux t'en servir aussi pour créer un personnage. Donc, dans cette méthode-là, en fait, le personnage, il se résume par plusieurs critères. Il a une question existentielle, il a un concept, il a un handicap, parce que handicap is beautiful, hein, tout simplement. Il a un objet important avec lui, il a un objectif, et il a voilà, des liens avec des PJ, des PNJ, donc du penseuriste du groupe. Bon, bah, les PNJ, faut que tu vois avec le MJ si ces PNJ que tu décris dans ton background, MJ est prêt à les mettre en scène, peut-être éventuellement les fusionner avec son aventure, quoi. Voilà. Alors au niveau des outils, tu peux utiliser, je te mettrai les liens en description, hein, no worry, quoi. Tu peux utiliser un jeu que j'aime beaucoup, s'appelle Session Zero. qui est une sorte de force de drama pour créer des historiques de personnages. Ça marche vraiment très bien. Ou sinon, tu veux vraiment un outil complet. Moi, je te conseille la fiche de personnage de Jerry Mobaltac. C'est un outil qui est utilisé pour créer des personnages de romans. Donc, tu vois, des personnages vraiment profonds, quoi. Et donc, tu as vraiment un méga questionnaire sur le personnage. Et je pense que ça peut vraiment être cool pour créer ton personnage de jeu de rôle. Tu peux aussi faire un jeu de rôle solo. Donc, tu joues d'abord ton personnage en solo, quoi. Donc, quand tu dis solo, c'est bien. Toi seul, hein, sans MJ, quoi, avec soit le jeu, le jeu final qu'on va jouer ensemble, soit un jeu de rôle solo, voilà, dédié, quoi. Hein. Et donc, comme c'est du coup, en fait, ton background de personnage, ce sera le récit de tes aventures en solo. Ça peut être pas mal. Et également, vraiment, comme j'ai dit, ton background n'est peut-être pas forcément quelque chose de figé. Tu dois considérer que la mémoire ou les sentiments du personnage peuvent être biaisés, vont évoluer, quoi. Donc voilà, ça c'est relativement important, quoi. Pour s'adapter à ce qui va se passer et tout, donner un petit peu de marge de manœuvre à MJ et au reste du groupe. Je ne l'ai pas dit, mais je pense que ça peut toujours être cool de se faire des petits échanges de MP. Avec les autres joueuses pour mettre en place des éléments communs dans le background. C'est même pas forcément. Alors, tu peux dire que les PJ se connaissent d'avant, quoi. Mais tu peux se dire qu'ils se connaissent pas, mais si tu veux, en fait, ils ont croisé les mêmes PNJ avec peut-être des rapports différents. Ils sont allés dans les mêmes lieux, tu vois. Il y a des accroches entre leur passé. Donc, tu peux, comme ça, décider de 3-4 éléments qui vont revenir dans tous les backgrounds. Ça peut être vu avec les. Peut-être juste à la limite, tu peux très bien, voilà, demander à MJ. MJ, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous imposer 3 ou 4 éléments qui vont être présents dans tous nos backgrounds? Et du coup, ces éléments, on aura chacun une vision différente dessus, qui nous laisse quand même assez libre. Hein, sauf que bon, voilà, si c'est un PNJ en commun, personne n'a le droit d'avoir tué dans son historique, il va toujours être vivant au début du jeu, quoi. Mais voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être méga intéressantes. Et mon conseil, c'est de, bah de. Dernier conseil super pratique, mais c'est que bon, tu peux l'envoyer par mail, mais sinon, si tu l'imprimes, imprime-le en 2 exemplaires, un exemplaire pour toi, un exemplaire pour MJ, afin que MJ puisse exploiter ton background en cours de jeu. Peut-être pense au début de ton background à écrire une synthèse, tu vois, en 10 points, les 10 points essentiels pour le personnage, pour que MJ ne se perde pas dans les infos non plus. Hein. Et puis, avec éventuellement ce qui peut être cool, tu vois, sur ces 10 points, en fait, tu fais comme des petites cases à cocher, tu vois. Ce qui fait que MJ fait, ah tiens, ce point essentiel, j'ai envie d'exploiter maintenant, je l'exploite, tac, je coche, comme ça, c'est fait, ça fait une sorte de to-do list. Donc, un bon mémo pour les MJ, parce que on est beaucoup à râler, parce que MJ n'utilise pas de background de personnage, mais il faut quand même te dire que c'est de la charge mentale. Donc, plus tu vas lui mâcher le boulot, ben plus tu seras récompensé par le fait que MJ va pouvoir exploiter ton background et te le remettre dans la figure, hein, en toute amitié, quoi. Voilà, de toute façon, on fera une vidéo aussi sur justement comment aider MJ. On parlera de la charge mentale du MJ aussi. Enfin voilà, ça, on va continuer à en parler. Et puis, on va aussi faire une vidéo très prochainement sur comment faire la création technique du personnage, donc une vidéo jumelle avec celle-là, quoi. Écoute, moi je suis bien, je suis posé et tout. Je vais peut-être faire une vidéo tout de suite, là, direct. Je te fais des bisous. Tu n'oublies pas que si tu veux aider un peu la chaîne à croître, à rencontrer son public, à conquérir YouTube, eh ben, tu mets des petits commentaires, que ce soit un gentil mot ou une insulte, ou tout simplement, bah, toi, comment tu fais pour écrire des backgrounds de personnages? Tu t'abonnes, tu mets la cloche, enfin bon, tu connais tout ça, hein, tout ça. Bon, voilà, c'est le YouTube business.